Frais bancaires cachés, corvée des notes de frais, conseiller injoignable. Pour faire face à tout ce stress, il y a plus efficace que ce gentil petit air de flûte. Il y a Conto, le compte qui change la vie des pros. Plus qu'un compte professionnel en ligne, Conto, c'est une gestion des notes de frais en temps réel, des tarifs 100% transparents à partir de 9 euros par mois et un service client ultra réactif 7 jours sur 7. Forcément, vous allez être détendu. Conto, le compte au service des pros. Voir conditions sur conto.com. Quelle est la différence entre une gifle et une paire de gifles? Est-ce que l'affront ne survient pas dès la première? Et qu'est-ce que la seconde apporte? Une confirmation? Une surenchère? Ou un point final? Dans le Cid de Corneille, c'est un soufflet que le comte donne à Don Diègue, soufflet que son fils Rodrigue devra venger en prenant le risque de perdre Chimène. Alors soufflet, gifle, baffe, torgnole, aller-retour ou droite, quand ma main se pose sur la joue d'autrui en faisant du bruit, est-ce là que tout commence ou est-ce là que tout finit? Monsieur Mongicourt. Ah, voilà l'autre maintenant. Ah, petit pont, ah, je suis pas fâché de te voir. Bah oui, quoi, ouais, tout à l'heure. Hein? Gabriel, veux-tu me laisser avec Mongicourt? Hein? Oui, mon ami. À tout à l'heure, monsieur Mongicourt. À tout à l'heure, madame. Eh ben, quoi, qu'est-ce qu'il y a, hein? Comment qu'est-ce qu'il y a? Mais tu en as de bonne, toi. Ah, ça, as-tu oublié ce qui s'est passé entre le général et moi? Quoi? Ah, oh! Mais comment, ton oncle, à propos de rien, sans provocation de ma part, m'administre une paire de gifles? Ah, pardon, tu as mal compté, une seule. Une, deux! Oui, enfin, c'est pas le nombre qui fait. Et tu t'imagines que ça va en rester là? Alors quoi, un duel? Un duel. Ah, c'est embêtant. Ah, qui le dis-tu? Bah, écoute, mon cher, je regrette vivement que l'affaire ait eu lieu avec le général, parce que tu comprends, étant donné le lien de famille, je ne peux vraiment pas te servir de témoin. Comment de témoin? Bah oui, tu comptes pas te battre sans témoin. Me battre? Mais où as-tu pris que je voulais me battre? Dame, qui dit duel? Tu voudrais un duel sans te battre? Mais c'est à toi de battre, pas à moi! Hein? Tu veux que je me batte avec le général, ben moi? Évidemment! Parce qu'il t'a giflé? Il m'a giflé, mais à cause de ta femme! Mais oui! Mais parce qu'il croyait que tu étais son mari! Et ben justement! J'en ai assez de ce rôle, je vais aller trouver ton oncle pour lui dire toute la vérité! Ah non, mon ami, non, je t'en prie, hein, ne complique pas! Bonjour Patrick Dandré. Bonjour Adèle Vendrette. Bienvenue sur le chemin de la philosophie. Vous êtes professeur émérite à la Sorbonne et vous êtes venu ce matin nous parler du Cid de Corneille en ouverture de cette semaine consacrée à la gifle. Pourtant, c'est pas du tout le Cid qu'on vient d'entendre. Qu'est-ce que c'est? On dira que la gifle est un fait social total, c'est donc aussi un fait dramaturgique total. Et de toute façon, les trames comiques et les trames tragiques, c'est une question de traitement. J'avais coutume de dire, quand j'enseignais à la Sorbonne que vous venez de citer, qu'on pourrait avec Andromaque faire une très bonne comédie de Corneille, vous voyez, de Molière plutôt, ouais. Une comédie de Molière, oui. C'est-à-dire que la gifle, il suffit de la renverser, et puis avec un petit peu de quiproquo, on arrive à ce qu'on vient d'entendre, qui est quand même très savoureux. C'est du fait d'eau, hein, qu'on vient d'entendre. C'est du fait d'eau, voilà. Et je crois que si la gifle est présente ainsi assez souvent dans les comédies, de temps en temps dans les tragédies, un peu plus rarement, c'est que c'est un beau phénomène théâtral, c'est un phénomène dramatique, parce que la gifle est à la fois concrète, physique, le théâtre c'est de l'incarnation, mais elle est en même temps psychologique, morale, symbolique, et le théâtre c'est aussi, avec des corps, dire des sentiments, dire des situations, dire des émotions. La gifle est un fait physique, vous en parliez, les gifles vont souvent par paire, mais enfin une seule suffit, hein. Elles vont par paire parce qu'elles portent sur les joues et que les joues sont deux, alors forcément c'est tentant, et qu'en plus la gifle est donnée avec le plat de la main, et les mains sont deux aussi, donc c'est un peu un effet de duo. Mais la gifle est quand même, si c'est une agression, moins violente que le coup de poing, parce que la main est ouverte au lieu d'être fermée, et parfois même elle est remplacée par le gant que l'on jette, et la gifle devient alors défi sur une partie du corps fragile, et même si elle est moins agressive que le coup de poing, je dirais tout de même qu'elle peut déséquilibrer, c'est-à-dire vous mettre par terre. Et vous voyez que quand je dis mettre par terre et déséquilibrer, on entend tout de suite désarçonné et humilié, humus la terre. C'est-à-dire qu'il y a aussi une dimension morale. C'est ce qui se passe dans l'extrait que nous avons entendu, où le monsieur qui a reçu une gifle pour une femme qui n'est pas la sienne voudrait bien que le mari de la femme prît à son compte le défi que constitue la gifle. On voit que c'est un fait complexe, une gifle, et qui enclenche des événements. C'est-à-dire que c'est un geste social total, comme je disais tout à l'heure, en imitant une formule bien connue de fait social total. Et c'est un geste que l'on peut trouver partout, Je suppose que quand vous avez inscrit cette émission, Adèle, c'était à cause d'une gifle reçue d'un ivrogne par un président de la République. Puis voici qu'hier soir, il paraît que le parti du dit président a pris une gifle au premier tour des élections. Donc nous allons de gifle en gifle. Du littéral au figuré. C'est ça, oui. Mmh. Et alors j'ai très peur de ce qui va se produire ensuite. En somme, vous faites de la philosophie comme Socrate, c'est-à-dire que vous allez sur l'agora et vous prenez les faits tels qu'ils viennent. Mais j'espère que je ne recevrai pas de gifle. Non, ça dépend de vous, mais on est assez loin de l'autre ce matin. Exactement, voilà. Physiquement, je me sens en sécurité. Nous espérons que l'émission ne sera pas bruitée. En tout cas, la gifle, vous le disiez aussi, est multiple. J'ai entendu quelques synonymes que vous avez d'autres. Oui, alors j'ai dit d'autres. Soufflet, gifle, baffe, torgnole, aller-retour ou droite. Pas mal, oui. Alors j'ajouterai claque, calotte et soufflet pour aller un peu vers le haut. Parce que il y a le bas et le haut. Quand on est dans la baffe ou la beigne, la taloche ou la tarte, on est dans un registre de langage là qui vraiment descend. Hein. C'est en dessous du rez-de-chaussée. Tandis qu'avec le soufflet, donc le soufflet de Don Diego, on va très haut. Et ça veut dire que la gifle est, je dirais, intermédiaire entre des registres sociaux, mais aussi entre des âges. Parce que la gifle, c'est aussi le châtiment des enfants, enfin ça l'était, et ça peut être une affaire d'adulte très grave, on le verra avec la tragédie. Quoique, même si la gifle peut être basse, comme je le disais, étant donné qu'elle n'est pas coup de poing, elle se situe plutôt dans le haut des agressions violentes. Je dirais qu'il y a dans la gifle quelque chose d'un peu plus noble, par rapport notamment au coup de pied au cul. Qui lui porte en bas, vous voyez. Et si on envisage l'être humain comme un tuyau avec deux orifices entourés de deux joues, on dirait que la claque en haut, c'est la gifle, et la claque en bas, c'est Rabelais, quoi. Mais oui, le coup de pied au cul, c'est daté, non? On voit plus trop de coups de pied au cul. Ah oui, c'est possible, mais symboliquement, on en voit beaucoup. Hein. Ah oui. Oui, oui, oui. C'est vrai, c'est daté, mais Rabelais est quand même toujours présent. Donc, je dirais qu'il y a la version haute et la version basse. Et que Don Diego, dont vous parliez tout à l'heure, c'est la version haute qui se manifeste dans le rôle du soufflet qui, lui, alors, prend vraiment une valeur symbolique de défi. Ça n'est pas tant fait pour blesser ou pour renverser le personnage que, moralement, pour l'humilier et pour, je dirais, appeler en réponse la violence canalisée d'un combat qui va être un combat singulier et un combat régulé. Nous sommes là entre gens de bonne éducation. La bourgeoisie imitera d'ailleurs ce que l'aristocratie faisait à ce moment-là, puisque nous voyons Feydeau et des bourgeois qui sont moqués pour leur pleutrerie que n'avait pas leur prédécesseur aristocrate. Bref, la gifle appelle le duel. En somme, c'est un acte symbolique et ritualisé qui appelle une réponse. Ça, c'est peut-être la différence avec l'enfant, parce qu'ordinairement, l'enfant qui a joué une gifle, il vaut mieux qu'il continue pas. Vous voyez, ordinairement, c'est la fin du processus. Ou alors, c'est que vraiment, il en veut une deuxième, comme vous le disiez. Ou qu'il reprend le dessus. Oui, ça n'arrivait pas dans ma vie. C'est que vous avez un âge beaucoup moins avancé que le mien. La gifle a donc, dans la symbolique sociale, une valeur de défi qui se continue et qui se continue et qu'on règle devant témoin sur le pré. Et là, c'est le duel. Et le duel, c'est à quoi la gifle nous amène, évidemment. Le duel, c'est une stylisation, une canalisation de la rixe qui devient un rite. Et je dirais que le duel est intéressant comme fait social parce qu'il est complexe. C'est une violence régulée et en même temps singulière. Régulée d'abord, c'est-à-dire que la gifle remonte, comme le duel, à la chevalerie. Il y a un côté tournoi, il y a un côté combat régulé sur le pré au lieu d'être la guerre. Et je dirais que la gifle est un moyen de canaliser une violence qui pourrait être collective en la réduisant à deux personnes. Songez que lors de l'adoubement, par exemple, le chevalier recevait la collée, c'est-à-dire trois coups d'épée sur la joue ou bien une main sur la nuque, qui a donné d'ailleurs notre accolade, et qui est une forme de rapport, enfin un rapport physique beaucoup moins agressif quand même. Il y a des gens qui ont l'accolade un peu violente, mais beaucoup moins agressif que la gifle. Et puis, je pensais aussi à quelque chose qui est un peu en désuétude aussi, le sacrement de confirmation avec la gifle que donnait l'évêque à l'enfant confirmé. Vous avez un visage expressif. Ah oui, oui, j'ignorais que les évêques giflaient les enfants pour les confirmer. Moi, j'ai reçu ça. Et donc, c'était l'idée que l'enfant devait prendre les outrages comme le Christ. et devait être, au nom du Christ, capable de recevoir des outrages. C'est-à-dire une des interprétations possibles de la collée du chevalier. Est-ce que ça veut dire que c'est la dernière gifle qu'il reçoit avant d'appeler sur le pré celui qui l'aura giflé, puisqu'il devient chevalier? Ou est-ce que c'est le signe que le chevalier doit avoir l'humilité de recevoir les outrages de son suzerain? Vous voyez, il y a une interprétation diverse qui nous amène à comprendre que le rite est complexe, mais qu'il a du sens. Et en même temps, je disais, c'est un combat singulier qui me fait penser à David et Goliath. Au lieu de mettre deux armées qui vont s'entre-déchirer et tuer des centaines de gens, on en prend deux champions, un peu comme Achille et Hector. Vous remarquez, ça n'a pas empêché les Troyens et les Grecs de continuer à se gifler ardemment. Vous étiez au-delà des gifles, même, oui. Voilà, oui, ou encore les Horaces et les Curiaces, un moyen de régler une affaire. Et il y a dans la gifle déjà et le duel cet aspect de concentration de l'épopée sur deux héros. Et c'est ce que la tragédie va faire, évidemment avec un changement qui se produit. Là, je viens vers le Cid, puisque c'est notre objet d'aujourd'hui. C'est que la violence qui était canalisée par le duel s'est mise à exploser à l'époque de Corneille. Nous sommes dans la première moitié du XVIIe siècle, où le duel, qui était un substitut de la guerre, devenait, pour les jeunes gens de cette époque, un moyen de rechercher la gloriole et de s'affronter par bande. Alors un peu comme de nos jours dans les quartiers, les bandes peuvent s'affronter à travers un ou deux de leurs membres. Et au lieu d'avoir réglé une fois pour toutes le conflit, bon, ils se sont battus, ils sont deux. Alors non, ça enclenche, parce que celui du clan qui a été vaincu, le clan va se retourner contre l'autre clan et on va aller de rixe en rixe. Et là, on passe un peu de Corneille à Mérimée. Mais c'est la vendetta. Et à West Side Story, finalement. Exactement. Et donc, il y avait des édits de Richelieu qui essayaient de réguler et d'empêcher les duels. Et Corneille a exercé une sorte de défi, je dirais, en présentant cette tragédie où, fait exceptionnel, un acte d'agression physique est présenté en scène, puisque dans le Cid, il y a une gifle qui est donnée sur la scène. Merci pour cette introduction, professeur Dandré. Voici le résumé du Cid de Corneille par Jean Rochefort. Bon, ça commence, c'est Rodrigue. Mais tout le monde l'appelle Rodrigo. Il a une petite embrouille diplomatico-sentimentale. Son daron, Don Diègue, s'est clashé avec Don Gomez, le daron à sa zouze éternelle, Chimène. Résultat, Don Diego de la Vega, il dit à son fiston, « Hé, Rodrigo, va taper Gomez, il m'a manqué de respect, la calotte de ses morts. Va, cours et nous venge, fils. » Oh, il m'a giflé! Rodrigue, à mon secours! Ô rage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie! Agaga, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie? Agaga, et ne suis-je blanchi dans les draves aux guerriers? Que pour voir en un jour flétrir tant de lauriers? Mon bras qu'avec respect toute l'Espagne admire! Mon bras qui tant de fois a sauvé cet empire, tant de fois a fermé le trône de son roi. Trahis donc ma querelle et ne fais rien pour moi. Oh, cruel souvenir de ma gloire passée, œuvre de tant de jours en un jour effacée. Nouvelle dignité fatale à mon bonheur, précipice élevé d'où tombe mon honneur. Corneille, Jean Rochefort, Henri Salvador et Patrick Dandré sont au micro des chemins de la philosophie ce matin sur France Culture. On parle de la gifle cette semaine et on commence avec le soufflet. administré dans le Cid de Corneille, première édition 1637, mise en scène 16, première mise en scène 1660. On va entendre des extraits de la mise en scène de Jean Villard, qui date du 22 janvier 1955, avec, excusez du peu, Gérard Philippe dans le rôle de Rodrigue. C'est George Wilson qui joue le comte, Maria Cazares qui interprète Chimène. On n'aura pas forcément l'occasion de l'écouter, Patrick Dandré, parce que vous le disiez avant que l'émission commence, au fond, quand on parle de soufflet, les femmes sont complètement exclues, c'est ça, hein ? On les exclut de la violence physique. C'est ça, elles sont du côté de l'amour, évidemment. Oui, mais elle a une grande violence verbale, tout de même. Et bah Maria oui. Cazares lui rendait hommage, vraiment. Un sacré personnage, souvent sous-estimé, d'ailleurs, oui. Chimène. Alors, est-ce que vous voulez nous proposer votre résumé de la pièce ou directement rentrer dans le soufflet ? À vous de décider. Oh, de toute façon, le soufflet enclenche l'intrigue. C'est une pièce construite de façon très serrée. Et on a une succession de violences ritualisées par un système féodal qui va, je dirais, montrer une justice qui fonctionne entre pairs. Voilà. Une justice en quelque sorte privée, où le roi assiste un peu impuissant à ces personnages assez agaçants qui sont sans cesse en train de se chercher des noises. Donc le premier duel, parce que c'est quand même un duel, et un duel en scène, hein, celui de Don Gormaz, le comte, et de Don Diego, le père de Rodrigue. Le comte est père de Chimène et c'est ils ça. Sont prévus pour s'épouser. Et Don Gormaz et Don Diego, malheureusement, vont se disputer parce que le roi, dont le fils enfant est en train de passer aux hommes, comme on disait, le roi a décidé que Don Diego serait le gouverneur de cet enfant, et Don Gormaz s'attendait à l'être. C'est un problème de poste, ça. Et les hommes ont tendance à s'envoyer des gifles lorsque les postes qu'ils convoitaient sont donnés à quelqu'un d'autre. Ce que je méritais, vous l'avez emporté. Il a gagné sur vous, l'avait mieux mérité. Qui peut mieux l'exercer en est bien le plus digne. En être refusé n'en est pas un bon signe. La Végépard Brigue étant vieux courtisan. L'éclat de mes hauts faits fut mon seul partisan. Parlons-en mieux. Le roi fait honneur à votre âge. Le roi, quand il en fait, le mesure au courage. Et par là, cet honneur n'était dû qu'à mon bras. Qui n'a pu l'obtenir ne le méritait pas. Ne le méritait pas. Moi. Vous. Mon impudence, cet émeraire vieillard. Aura sa récompense. Un chien défend ma vie, après un tel affront. Le premier dans ma race est de rougir son front. Mais que penses-tu faire avec tant de faiblesse? Dieu! Ma force usée, quand ce besoin me laisse. Ton épée est à moi. Mais tu serais trop vain si ce honteux trophée avait chargé ma main. Adieu. Fais lire au prince, en dépit de l'envie, pour son instruction, l'histoire de ta vie. D'un insolent discours, ce juste châtiment ne lui servira pas d'un petit ornement. Alors évidemment, ça doit varier selon les mises en scène, Patrick Dandré, mais là, c'est la première expérience de cette gifle du soufflet est déceptive. On n'a presque rien entendu. Il n'y a même pas eu un silence qui a suivi l'administration du soufflet. C'est pourquoi le théâtre, il vaut toujours mieux le voir. Oui, c'est ça. Même, on n'a pas l'impression que ce soit un moment grandiloquent alors que toute l'intrigue tourne autour de ce soufflet. Oui, mais c'est un moment tellement important, une agression physique sur la scène, surtout sur la scène du théâtre du XVIIe siècle français, que de toute façon, il y a quelque chose qui se passe et qui est fort, parce que ce type de duel est de surcroît un duel spécifique qu'on appelle une rencontre, et c'est un duel qui est impromptu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu tout le rite que l'on attend, tous les préparatifs, si vous voulez. Ça sort d'un coup parce que le comte fait une grosse colère, et une colère due à une déception. Et ils mettent la main à l'épée, ce qui ne se fait pas en scène, et Don Diego est immédiatement désarmé, et au lieu de lui permettre de reprendre son fer, ou au lieu de le transpercer, ce qui est d'une façon aisée de terminer la pièce, Don Gormaz lui cède la vie, lui accorde la vie, ce qui est une ignominie pour Don Diego et une démonstration de son aptitude à la fonction que justement Don Gormaz, qui est plus jeune que lui, voulait exercer. Le duel a été démonstratif en quelque sorte, c'est-à-dire que l'humiliation qu'a éprouvé Don Gormaz, qui est une humiliation morale, est vengée par une autre humiliation d'un autre type qui procède du physique, c'est-à-dire que Diego est trop faible pour relever le gant. Enfin, trop vieux, surtout, non ? Trop vieux, voilà. Et même son fils parlera de lui plus loin comme d'un vieillard. Sais-tu que ce vieillard fut la même vertu ? Donc, il entre dans une autre classe d'âge. Il était le protecteur de son fils, lequel n'est pas encore un adulte puisqu'il n'est pas marié. Vous savez que les âges au théâtre ne sont pas chiffrés, ils sont définis par les fonctions. Donc ceux qui ne sont pas encore mariés ne sont pas autonomes, donc ce ne sont pas des adultes. Ceux qui sont en pleine possession de leurs moyens et qui possèdent le pouvoir sont les adultes. Et ceux qui sont désarmés, au sens symbolique, sont des vieillards que leurs enfants doivent protéger, et par là les enfants deviennent adultes. Dont Rodrigue est donc appelé par son père à venger ce que le père n'a pu faire, et il lui passe son épée. Et le passage de l'épée est également symbolique, et nous aurons donc un second duel qui est un duel d'appel. Cette fois c'est un autre nom, vous voyez, où Don Gormaz est appelé par Rodrigue. Alors normalement on appelle par écrit avec un cartel, mais comme la journée ne dure que 24 heures et que Corneille avait beaucoup de choses à mettre dedans, il s'est contenté d'un appel verbal sous la forme d'un défi que Rodrigue lance à Don Gormaz, en imposant à Gormaz de se désavouer, de désavouer l'insulte faite à Don Diego. Bien sûr, Don Gormaz n'accepte pas, quoique il soit un peu tenté par une sorte de pitié pour ce jeune homme qu'il considère déjà comme son gendre, c'est-à-dire comme son fils par alliance. Il y a là une confusion des pères et une confusion des fils, et on va arriver à ce refus qui va mener au combat à mort, à quatre pas d'ici, c'est-à-dire sans délai. À quatre pas d'ici, je te le fais savoir. Une fois Gormaz mort, Corneille introduit un intermède qui est une incursion des Maures qui arrivent ici pour s'emparer de Séville, dans un royaume désarmé par la mort de son champion qui est Don Gormaz à cause de Rodrigue, et Rodrigue alors se substitue à lui. Voilà, Rodrigue se substitue à un deuxième père. Il s'est substitué au premier en prenant la cause de Don Diego, il se substitue au second en prenant le rôle de Don Gormaz. Et en montrant dans ce combat une triple capacité qui fait de lui un nouvel adulte, en quelque sorte, sa capacité de fédérer, vous savez, nous partîmes 500, mais par un prompt renfort, nous nous trouvâmes 1000 en arrivant au port, une capacité de vaincre, bien sûr, puisque les envahisseurs sont chassés, mais aussi une capacité de se faire reconnaître. Ils t'ont nommé deux fois leur cid en ma présence, lui dira le roi. Quand Rodrigue change de nom, il devient le cid, et dans cette guerre de défense, il justifie en quelque sorte la mort qu'il a infligée à Don Gormaz puisqu'il est capable de le remplacer. Il n'empêche que Chimène, nous emmenons à elle, ne l'entend pas de cette façon-là, et Chimène appelle à un procès que le roi va résoudre par un troisième duel. Un duel judiciaire, celui-là, qu'on appelle le duel en champ clos, avec l'aveu donc du pouvoir, pour trancher le procès entre Don Diego et Chimène. Chimène est appelante, Don Diego est défendeur, et Don Sanche, qui est amoureux de Chimène, va prendre la cause de la jeune fille. Rodrigue va évidemment prendre la cause de son père, et un troisième duel, dérivé celui-là de Lord Ali, qui a une valeur d'épreuve. Lord Ali, c'était un combat, je dirais, entre les forces du mal et du bien, et puis, évidemment, Rodrigue va vaincre. Parce que c'est sa vocation, c'est sa fonction. Il va laisser la vie à Don Sanche, et la pièce va pouvoir se terminer par un mariage qui n'en est pas un, c'est-à-dire que Chimène, qui est toujours amoureuse de Rodrigue, nous le savons quand Don Sanche lui rapporte l'épée trempée de sang, enfin elle le croit du moins, mais qui en réalité a été accordée à Don Sanche par son vainqueur Rodrigue, plein de générosité. À ce moment-là, Chimène explose et révèle son amour, donc le roi lui dit qu'un jour elle épousera Rodrigue. Mais Patrick Dandré, il est 10h22, vous avez déjà fini la pièce. Ah non, parce que maintenant je vais commencer à l'interpréter. Ça, c'est la magie des profs. Là, c'était le récit. Et oui, vous avez invité un professeur. C'était le récit. Il y a des niveaux de lecture possibles. Vous avez vu que on pourrait sous-titrer cette pièce, La folle journée, avec un peu d'avance sur Le mariage de Figaro. En tout cas, on dirait une journée bien remplie. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un sujet tragique qui est bourré de matière et qui est beaucoup plus romanesque que tragique, qui est un sujet d'ailleurs qui provient d'une tradition épique. Le Cid a réellement existé au XIe siècle, il y a eu des épopées, puis il y a eu une commedia, c'est-à-dire une pièce de théâtre par Guilhem de Castro que Corneille a imité, et où Chimène devient amoureuse de Rodrigue. Elle n'était pas dans l'histoire, dans les légendes précédentes. Il y a donc une dimension épique et romanesque. Je dirais que c'est un sujet narratif et exalté, plein d'amour. Le soufflet déclenche donc un processus de violence canalisé dans une pièce qui mériterait d'être un peu les Trois Mousquetaires, quoi. En même temps, le soufflet déclenche un processus de tension, de déchirement. On le voit bien, les personnages sont en tension morale et affective, tensions qui sont intériorisées, intimisées. Et il y a une dimension passionnelle, c'est un théâtre d'amour, et c'est une pièce qui apporte aussi un effet affectif. Et puis enfin, il y a une troisième dimension sur laquelle j'aimerais insister, qui va être celle que je vais choisir, si toutefois, Adèle, dans votre caractère de générosité, vous acceptez que je nous entraîne dans cette voie, c'est qu'il s'agit du soufflet à un vieillard, je le rappelais tout à l'heure, qui enclenche le passage d'un adolescent au statut d'adulte, et un adolescent qui se fait reconnaître comme adulte en remplaçant son père rejeté dans l'âge des vieillards. Si vous regardez bien, d'ailleurs, dans cette pièce, il y a tous les âges de la vie, oui. Il y a les quatre. Hein. J'ai dit tout à l'heure que l'enfant, il avait 7 ans, sans doute, donc c'est un enfant. Après, vous avez les trois jeunes gens, l'infante, amoureuse de Rodrigue, Chimène et Rodrigue, qui sont tous soumis encore à des parents, pas mariés, donc dans cet âge qui n'existe pas au XVIIe, et qu'on pourrait appeler, nous, une adolescence prolongée. Et puis, il y a l'adulte, le comte, qui doit avoir dans les 30 à 40 ans. Et puis, Dondier, qui est un vieillard, 50 ans, quoi, complètement fini, une ruine. On va l'entendre, hein, j'ai envie d'entendre le monologue de Dondier. Vous voulez qu'on l'entende maintenant ou vous voulez finir votre présentation? Oui, je voudrais simplement dire que le renversement de protection qui va se produire invite à une lecture anthropologique et à lire le Cid comme un rituel de passage. On va entendre comment Don Diego est en somme démuni. Et c'est ce que cette tirade, ce monologue même, c'est un monologue, il occupe toute une scène, va nous dire, c'est à quel point le personnage est démuni de son fer, de son honneur, de sa puissance. Oh, rage, oh, désespoir! Oh, vieillesse ennemie! N'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie? Et ne suis-je blanchi dans les travaux guerriers que pour voir en un jour flétrir tant de lauriers? Mon bras qu'avec respect toute l'Espagne admire, mon bras qui tant de fois a sauvé cet empire, tant de fois a fermi le trône de son roi, trahi dans ma querelle et ne fait rien pour moi. Oh, cruel souvenir de ma gloire passée, œuvre de tant de jours, en un jour effacé, nouvelle dignité fatale à mon bonheur, précipice élevé d'où tombe mon honneur. Faut-il de votre éclat voir triompher le comte et mourir sans vengeance ou vivre dans la honte? Comte, sois de mon prince à présent gouverneur! Au rang n'admet point un homme sans honneur, ton jaloux orgueil par cet affront insigne, malgré le choix du roi, m'en a su rendre indigne. Et toi, de mes exploits, glorieux instrument, mais d'un corps tout de glace, inutile ornement, faire jadis tant à craindre, et qui dans cette offense m'a servi de parade et non pas de défense. Va, quitte désormais le dernier des humains. Passe pour me venger, mon de meilleures mains. Et c'est Jean Deschamps qui interprète ce monologue de Don Diego qu'on trouve à la scène 5 de l'acte 1, donc du Cid de Corneille dans Nous parlons ce matin, en compagnie de Patrick Dandré. On a tellement, non pas réduit, mais ramené cette pièce à une question d'honneur et de vengeance, que seul le contexte du XVIIe siècle permettait de comprendre, qu'on a, je crois, aussi souvent oublié toute la subtilité et la délicatesse du texte, qui a des échos très troublants avec, non seulement avec aujourd'hui, mais avec en fait l'histoire de l'humanité en général. Nous entendons un vieillard qui s'adresse à son épée, comme s'il s'adressait à lui-même ou à une certaine partie de son corps qui signifiait sa propre vieillesse, hein, Patrick Dandré. Et toi, de mes exploits glorieux instruments, mais d'un corps tout de glace, inutile ornement, fer, F-E-R, jadis tant à craindre et qui, dans cette offense, m'a servi de parade et non pas de défense. On est bien d'accord qu'ici, il s'agit d'une métaphore, c'est pas vraiment à son épée qu'il s'adresse. C'est-à-dire que le fer est une partie du corps, c'est le prolongement de la main. Et il s'adresse donc à son épée tout en s'adressant au public et à lui-même. Nous sommes là dans le niveau tragique. Et vous avez entendu le dernier vers, le verbe « passe ». Passe pour me venger en meilleures mains. Je parlais d'un rituel de passage. Oui. Vous voyez, c'est le rituel de passage de l'adolescent qui, par une suite d'épreuves à surmonter, va naître à lui-même et se faire reconnaître par une communauté. C'est-à-dire que la pièce est vraiment tendue entre le résumé que j'en faisais tout à l'heure en parlant de son caractère romanesque et puis le ton tragique, parce que là, nous ne sommes plus dans la comédie. Par la alors, le sous-titre du site, c'est « Tragicomédie ». Oui, alors en 1637, c'était « Tragicomédie ». Et puis Corneille a été giflé par l'Académie qui lui a fait une querelle en disant que la pièce n'était pas régulière et donc il l'a amendée, il l'a transformée pour qu'en 1660 elle devienne une tragédie. Il l'a régularisée en quelque sorte. Et la pièce est tendue entre les deux. Parce que vous avez un thème romanesque, c'est la jeune fille qui épouse le meurtrier de son père, ce qui est tout de même une tension assez forte et qui, dans la tragédie, fait un peu désordre. C'est excessif, c'est du paradoxe. Et puis vous avez un sujet tragique, car si vous regardez bien, Rodrigue est à peu près dans la position d'Édipe et Chimène dans celle d'Antigone. Rodrigue a deux pères, un vrai et puis qui est en train de s'abolir, et puis un autre qui est son beau-père et qu'il va abolir puisqu'il va anéantir le comte. Il tue son père, enfin son beau-père, par devoir et par une sorte de fatalité qui fait qu'il est coupable, il y aura un procès, mais sans être responsable. C'est le contraire de responsable mais pas coupable. Rodrigue, c'est coupable mais pas responsable. Donc, une situation édipienne. Quant à Chimène, elle est amenée à sacrifier son amour par devoir familial funèbre. C'est exactement la position d'Antigone, sauf qu'au lieu d'être son frère, c'est son père auquel elle voue un culte. Et donc nous sommes dans une situation ou un sujet qui pourrait être tragique au sens de la tragédie grecque. Alors comment Corneille réussit-il à unir les deux? C'est-à-dire ce thème romanesque et ce sujet tragique, eh bien je dirais, ça provient de la différence avec le monde grec. Je parlais de Socrate tout à l'heure, nous revenons à la Grèce, il faut toujours revenir à la Grèce. La tragédie grecque n'a pas d'intériorisation du conflit dans des sujets individualisés et unifiés, vous voyez. Dans la tragédie grecque, les personnages sont compartimentés, ils sont citoyens, et puis à d'autres moments ils sont membres d'un clan familial, puis ce sont aussi des esprits religieux. On a l'impression que l'unité des personnages ne s'opèrent qu'à l'extérieur d'eux-mêmes, sur l'agora, sur la place publique. Ce qu'avait très bien expliqué Jean-Pierre Vernant à propos de l'Édipe sans complexe, qui avait été le titre très intéressant d'un de ses articles. Alors que dans la comédie de Corneille, les sujets sont unifiés, en voie d'unification, peut-être même unifiés, déchirés de tension, qui donnent l'impression qu'ils ont une intimité. C'est-à-dire qu'on les ressent, on les entend comme intériorisant et psychologise. Alors, en quelque sorte, si vous voulez, au lieu d'être ici membre d'un clan, ailleurs citoyen et encore ailleurs esprit religieux, ils sont tendus entre la loi monarchique, la loi familiale et la loi amoureuse. Mais c'est eux-mêmes qui sont tendus. Comme si nous étions passés entre la Grèce et la France, de la tragédie du destin à la tragédie de la destinée. Ils ont une destinée malheureuse, mais elle ne se construit pas en un destin surplombant. C'est un peu la faute à pas de chance et à la mauvaise humeur du comte d'Angormas. Vous voyez, et c'est à partir de ces éléments que nous voyons le Cid devenir la civilisation, comme je le disais, d'un rituel de passage semé d'épreuves, et la construction d'un sujet, de la société, qui veut se faire reconnaître tout en s'intégrant. C'est ce qui va arriver à Rodrigue. C'est-à-dire se faire reconnaître comme une personne, tout en affirmant son autonomie. Alors ça, c'est pas du tout un sujet grec. Vous voyez, c'est pas du tout un sujet de la Grèce antique. C'est deux orphelins devant le tribunal de la société. Mais est-ce que c'est un sujet classique et typique du XVIIe siècle? Pas vraiment non plus. C'est typique du XVIIe siècle dans la mesure où il s'agit d'un problème de sujet déchiré par des tensions venues du dehors et qui pourtant constituent des éléments constitutifs de son moi. Je dirais qu'une tragédie, c'est l'art de recoller les morceaux. Nous sommes des morceaux qui se déchirent, nous avons des pulsions et des obligations qui nous amènent à nous écarteler. Et la tragédie, c'est l'histoire de cet écartèlement et de la recherche d'une solution. Alors la solution, ça peut être que vous êtes complètement écartelé, à la fin tout le monde meurt, ou bien ça peut être comme ici, des solutions extérieures, des événements qui vont permettre de corriger ces tensions et d'aboutir à une réunification du sujet. C'est pas à vous que j'apprendrai, chère Adèle, que 1637 est une grande date philosophique, n'est-ce pas ? Ça fait penser à Descartes, en tout cas. Voilà, au discours de la méthode, c'est-à-dire à l'affirmation du moi à l'issue d'une grande crise de doute hyperbolique qui vous déchire. Un être déchiré qui entre dans le doute, qui l'anéantit, et qui, de cet anéantissement, tire la conscience de soi et enclenche une vie nouvelle dans la vérité à partir de cette épreuve surmontée. Vous savez, Descartes disait qu'il n'était pas bon que tout le monde imitât le geste qu'il avait accompli. Le doute hyperbolique, c'est dangereux. On peut devenir fou. Donc Rodrigue serait une sorte de Cogito incarné ? On pourrait dire que c'est le moment où le sujet fait un grand pas en avant sur la scène de l'histoire occidentale de la conscience individuelle. Ça avait commencé avec Socrate, ça s'était continué avec le christianisme. Ça s'est un peu laïcisé avec le XVIIe siècle et ça va exploser littérairement avec le romantisme. Vous savez, l'histoire de l'Occident, c'est l'histoire du sujet individuel. Après, on s'étonne que les gens ne votent pas, mais chacun s'intéresse à sa propre histoire. Alors, comme c'est un des moments les plus beaux de la pièce, hein, la scène 7 de l'acte 1, le monologue de Rodrigue, au fond, ce qu'on pourrait appeler le cogito de Rodrigue, je vous propose qu'on le garde pour après. Patrick Dandré, le meilleur pour la fin, et qu'on écoute en revanche l'acte 2, on va avancer dans la pièce, scène 2 de l'acte 2, où il y a une confrontation directe entre Rodrigue et Don Gormaz. Écoutez. À moi, comte. Deux mots. Parle. Ôte-moi d'un doute. Connais-tu bien Don Diego ? Oui. Parlons bas. Écoute, sais-tu que ce vieillard fut la même vertu, la vaillance et l'honneur de 100 ans, le sais-tu ? Peut-être. Cette ardeur que dans les yeux je porte, sais-tu que c'est son sang ? Le sais-tu ? Que m'importe ! À 4 pas d'ici, je te le fais savoir. Jeune présomptueux. Parle sans t'émouvoir. Je suis jeune, il est vrai. Mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. De mesurer à moi, qui t'a rendu si vain, toi, qu'on n'a jamais vu les armes à la main. Mais pareils à 2 fois ne se font point connaître. Et pour leur coup d'essai, veulent des coups de mer. Sais-tu bien qui je suis ? Oui. Tout autre que moi, au seul bruit de ton nom, pourrait t'en mener froid. Les palmes dont je vois ta tête si couverte semblent porter écrit le destin de ma perte. J'attaque en téméraire un bras toujours vainqueur. Mais j'aurai trop de force, ayant assez du cœur. À qui venge son père, il n'est rien impossible. Ton bras est invaincu, mais non pas invincible. À moi, compte 2 mots, rien qu'avec ce vers prononcé par Rodrigue et Patrick Dandré, on a l'émergence du moi, le déclenchement, enfin l'appel à un duel, et on est au cœur du théâtre aussi. Oui. À moi, 2 mots, ça veut dire parlez-moi. C'est moi qui prends la parole, je m'adresse à vous, mais vous aussi, parlez-moi. Oui, c'est un dialogue tendu. Hein. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Et en même temps, c'est un dialogue lyrique, grâce à la voix de Gérard Philippe qu'on entend moduler. Hein. Et si jeune, il a la voix si jeune dans cette histoire. Oui, qui est en train de se construire devant l'autre au moment où il risque de se détruire. Je m'arrêtais sur juste un distique. Mais pareils à 2 fois ne se font point connaître, et pour leur coup d'essai veulent des coups de maître. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le paradoxe de ces 2 vers. Vous avez vu que Rodrigue, qui prétend à l'unicité de son acte, enfin, il est complètement singulier, commence par les pareils. C'est très curieux de dire qu'il y a des gens comme lui. Normalement, il est inimitable, il fait un coup comme on n'en a jamais vu. Et il dit qu'il a des pareils, comme s'il était une singularité, mais une singularité partagée. Et ça, c'est résolu par un mot qui est l'exemple. Rodrigue va devenir un exemple. Et d'ailleurs, on le cite, vous voyez, maintenant. C'est un exemple, c'est-à-dire qu'il veut se faire connaître et par là, devenir exemplaire, à la fois connaître au sens moderne d'être connu par sa célébrité, mais aussi au sens ancien de se faire reconnaître, c'est-à-dire au sens cette fois de la considération. Il veut être célèbre par la manière dont il a acquis la considération des adultes en devenant adulte lui-même. Quant à leur coup d'essai, veulent des coups de maître, c'est contradictoire parce que s'il n'y a pas d'apprentissage, si on est maître tout de suite, il n'y a plus de maître. Parce que pour qu'il y ait des maîtres, il faut qu'il y ait des apprentis. Ça se définit l'un par l'autre. Et là, c'est la référence, parce que chez Corneille, tout est très rhétorique, à un lieu commun de rhétorique. qui est bien connu. Je vais renvoyer de façon très pédante, mais vous m'autorisez à cela, mm-hmm. parce que c'est de la philosophie, à l'ouvrage de Curtius, vous savez, sur le Moyen-Âge latin, et qui a montré que le lieu commun, c'est-à-dire la pensée commune du puer senex, de l'enfant qui est en même temps un vieillard, est un lieu commun de rhétorique très répandu. C'est le Christ devant les docteurs de la loi, vous voyez, il est plus savant qu'eux, et pourtant il n'est qu'un enfant. Cette idée de l'épée du vieillard Don Diego mise dans la main de l'enfant, enfin du jeune homme Rodrigue, c'est une espèce de paradoxe dont la résolution, c'est l'exploit. L'exploit parce qu'il n'a pas l'âge de le faire et que même lorsqu'il est multiplié, un exploit reste unique. Vous pouvez faire 10 exploits, mais chaque exploit est unique. C'est là que se résout le problème de la singularité partagée, de l'exception collective. Et cela, me semble-t-il, c'est parce que le théâtre de Corneille est un théâtre de l'exception. Tout au long de sa carrière, Corneille a toujours présenté des personnages exceptionnels. Quand c'est du comique, ce sont des extravagants, vous voyez, qui sont dans une errance mentale très très étrange. Quand c'est la période héroïque, ce sont des exceptions grandioses, des personnages qui sont au-dessus du commun. Puis après, on va arriver à la période plus monstrueuse avec les Attila et autres héros terrifiants. Et là, ce sont des exceptions dans le mal, dans le sombre. Puis ça se terminera par Suréna, qui est une exception ascétique, une sorte de personnage hors du commun par son stoïcisme. En tout cela, on a l'impression que les personnages de Corneille nous disent que pour se faire reconnaître, il faut se distinguer. Mais ça veut dire que Rodrigue fait tout ça pour son père et non pour Chimène ? Alors, Rodrigue fait tout ça pour son père et contre Chimène, malheureusement, en sachant que de toute façon, s'il ne le fait pas, il n'est pas digne d'elle, et en sachant, parce qu'il la connaît, qu'elle fera la même chose. Mais quelle est la motivation première ? Le sens de l'honneur ou l'espoir secret que l'amour vaincra ? Alors, c'est là qu'est l'intérêt de la peser, c'est du biface, c'est les deux joues, une gifle par joue, vous voyez ? C'est l'aller-retour. C'est-à-dire que ce qui pourrait être une tension, là aussi Corneille l'a résolu. Et il a opéré, là aussi, une synthèse. C'est-à-dire que la prouesse que va réaliser Rodrigue en devenant lui-même le rend adulte, digne d'épouser Chimène, qui, elle, en sacrifiant de son côté son amour à la vengeance de son père, va opérer le même cheminement. Elle est orpheline et elle prend la place de ce père parce que, quoique femme, elle devient un héros à sa façon et elle va, devant le roi, porter sa cause et lui se substitue également à son père. C'est-à-dire que tous les deux ont un acte, accomplissent un acte absolument parfait, irréductible, qui les fait reconnaître par les autres adultes comme des alter ego. Il y a en somme une procédure d'affirmation et de reconnaissance du sujet par le groupe. Et les deux font ça ni pour le père, ni pour l'amant. Ils font ça pour la galerie. Ils font ça pour les autres. Parce que c'est en se posant devant les autres qu'ils deviennent eux-mêmes et que devenant eux-mêmes, ils peuvent s'épouser, je dirais, en dépit de tout. Donc l'amour est complètement secondaire ? Absolument pas. L'amour est à la fois le moteur, la finalité de ce processus qui est un processus, je dirais, d'épanouissement de soi, dans et par l'amour, dans et par l'honneur féodal, dans et par l'exaltation enthousiastique. Mais tout cela, ce sont des composantes du sujet, des composantes de l'individu qui sont représentatifs de la singularité de chacun de nous dans l'accès à notre autonomie. Et c'est en quoi le Cid m'intéresse, moins peut-être par son caractère féodal, parce que si c'était deux personnages qui sont dans un ancien régime qui n'est plus le nôtre et qui font des exploits que ni vous ni moi, Adèle, je suppose, n'accompliront, parce que les derniers duels datent quand même d'assez longtemps. Vous n'avez jamais eu de duel, non. Adèle. Non, ben, n'en aurons pas aujourd'hui, moi non plus. Donc on va mourir sans avoir connu ça, n'est-ce pas ? Et je dirais que si ça m'intéresse, c'est parce que Rodrigue récite un acte que nous avons tous accompli. Le passage de l'adolescence à l'âge adulte, c'est-à-dire cette tension et cette contradiction que formule la contradiction entre l'amour et le devoir. Mais cette contradiction qui est beaucoup plus profonde, qui est se faire admettre dans un groupe, c'est-à-dire se faire reconnaître par la société comme adulte, mais se faire reconnaître dans une singularité qui est irréductible à qui que ce soit. C'est un peu du personnalisme, là, ou du Lévinas que je fais. Mais c'est cela, quand même. C'est qu'ils sont tellement extraordinaires, ces êtres, qu'ils nous apprennent tout simplement que nous sommes tous extraordinaires. C'est-à-dire que nous sommes tous des Rodrigues et des Chimènes, parce que nous avons tous à accomplir cet acte effrayant, qui est de devenir adulte. Vous savez ce que disait Montaigne hein, aux gens qui se plaignaient qu'on les ait pas mis au maniement des grandes affaires? Il disait quoi, n'avez-vous pas eu à vous fabriquer, faire bien l'homme et dûment, n'est-ce pas plus difficile que tout? C'est ça que nous dit le Cid. Il nous dit pas le grand bretteur, le combat contre les morts, la journée bien remplie. Non, ce qu'il nous dit, c'est nous sommes tous devant cet insurmontable défi, devenir des êtres autonomes et irréductibles, reconnus et intégrés par un groupe. Et nous en sommes au même point. C'est ça que ça veut dire. On en passe tous par là. Voilà. Et les sociétés, elles, ont des manières différentes de faire ça. Vous avez des sociétés qui acceptent. La nôtre est une société hyper adolescente. Le 17e niait l'adolescence. Le mot n'existait pas, ou du moins, il était employé, nous dit le dictionnaire de Furetière, uniquement de manière comique. Pour se moquer, dire à quelqu'un qu'il était adolescent, c'était se payer sa tête, vous voyez. Donc on passait de l'enfance à l'âge adulte par tuilage. Vous aviez des enfants qui étaient colonels d'un régiment à 14 ans et qui recevaient le fouet au collège à 15 ans. C'est un peu contradictoire, vous voyez, donc ça les déchirait. Eh bien ce déchirement, à mon avis, c'est ce que le Cid met en scène. C'est ce que l'on entend dans ce moment de prise de conscience de soi, de déchirement concentré, qui sont les stances de Rodrigue. Le dilemme du personnage déchiré entre l'absence comminatoire de son père défaillant, qui lui dit « venge-moi », et puis la présence obsédante de son beau-père, qui incarne l'amour pour Chimène, de son beau-père à anéantir. Et l'annulation des deux, l'épée à la main, la perte de l'amour de Chimène, c'est un sacrifice que Rodrigue doit accomplir pour devenir lui-même. On est prêt à écouter l'essence de Rodrigue. Ah oui, là maintenant nous sommes dans ce sommet de connaissance de soi, de prise de conscience de soi, dans le désarroi d'un doute hyperbolique. Et nous sommes donc aussi à la scène 7 du premier acte. Que je sens de rudes combats. Contre mon propre honneur, mon amour s'intéresse. Il faut venger un père et perdre une maîtresse. L'un m'anime le cœur, l'autre retient mon bras. Réduit au triste choix ou de trahir ma flamme, ou de vivre en infâme. Des deux côtés, mon mal est infini. Oh Dieu, l'étrange peine. Faut-il laisser un affront impuni? Faut-il punir le père de Chimène? Père, maîtresse, honneur, amour, noble et dure contrainte, aimable tyrannie, tous mes plaisirs sont morts, ou ma gloire perdue. L'un me rend malheureux, l'autre indigne des jours. Cher et cruel espoir d'une âme généreuse, mais ensemble amoureuse, digne ennemi de mon plus grand bonheur, fais qui cause ma peine. M'es-tu donné pour venger mon honneur? M'es-tu donné pour perdre ma Chimène? Il vaut mieux courir au trépas. Je dois à ma maîtresse aussi bien qu'à mon père. J'attire en me vengeant sa haine et sa colère. J'attire ses mépris en ne me vengeant pas. À mon plus doux espoir, l'un me rend infidèle et l'autre indigne d'elle. Mon mal augmente à le vouloir guérir. Tout redouble ma peine. Allons, mon âme, et puisqu'il faut mourir, mourons du moins sans offenser Chimène. Mourir sans tirer ma raison. Rechercher un trépas si mortel à ma gloire. On dirait que l'Espagne impute à ma mémoire d'avoir mal soutenu l'honneur de ma maison. Respecter un amour dont mon âme égarée voit la perte assurée. N'écoutons plus ce pensée suborneur qui ne sert qu'à ma peine. Allons, mon bras, sauvons du moins l'honneur. Puisqu'après tout, il faut perdre Chimène. On a coutume de se référer à ce monologue en le nommant. Ce sont les stances de Rodrigue. On a parlé du cogito cartésien qui pouvait être perçu dans ces lignes. Oh, c'est surtout un dilemme, Patrick Dandré. Un dilemme, on est au cœur du tragique ici. Alors, c'est un dilemme, mais c'est un moment lyrique. Car c'est un monologue lyrique. Vous avez vu qu'il n'y a pas seulement des alexandrins. Il y a même 4 maîtres différents. Hexamètre, octosyllabe, décasyllabe, alexandrin. Ce sont des strophes. C'est tout à fait différent. Il y a une halte là. Tout s'arrête, l'action s'arrête parce qu'elle s'intériorise. C'est le grand moment de l'intériorisation. C'est un moment terriblement cornélien, c'est le dilemme héroïque dans le Cid, mais qui annonce le dilemme patriotique dans Horace, ou le dilemme politique dans Auguste, ou le dilemme spirituel en Polyeucte. Qui sont d'autres pièces, donc. Qui sont d'autres pièces et d'autres héros, je dirais, parce que Auguste, Horace, Polyeucte ont aussi des dilemmes. En même temps, c'est un succès d'année de la spiritualité jésuite, c'est l'inhibition devant l'action qui vous fait devenir saint, et le sentiment de son néant, où vous prenez la force de vous hausser à l'exemple du Christ. D'ailleurs, Rodrigue, dans une certaine mesure, suit les traces de Jésus. Il y a le dilemme et l'hésitation du jardin des Oliviers, il y a le tribunal du Sanhédrin devant le roi, et puis après il y a les dernières paroles à Chimène qui sont les dernières paroles du Christ en croix. C'est aussi, je le disais, la philosophie cartésienne du sujet, hein, le doute hyperbolique qui vous mène à l'illumination du cogito en clenchant la chaîne de certitude. Mais à travers tous ces éléments, ce que l'on voit, c'est essentiellement l'appel contradictoire que ressent ici Rodrigue et qu'il déchire à appartenir et à se distinguer, c'est-à-dire à obéir à un devoir féodal, c'est appartenir, mais en même temps le faire d'une façon que personne n'a fait avant, puisqu'il s'agit de tuer le père de Chimène, et ça n'arrive pas ordinairement à tous les héros féodaux. Nous sommes donc devant une nécessité de se faire reconnaître pour unique par une communauté de semblables qui vous crée tellement d'obstacles que vous devez en quelque sorte sacrifier quelque chose. Il faut sacrifier son amour pour devenir adulte, et à ce moment-là, cet amour vous revient. Il y a le sacrifice d'une chose qui amène son retour, mais sous une forme purifiée. En somme, un sacrifice au totem du groupe qui représente chez ces adolescents en situation de revendiquer leur appartenance au monde adulte, l'obol nécessaire pour se faire reconnaître comme des individus singuliers dans et par les nouveaux réseaux de collectivité, les nouveaux réseaux auxquels leur âge leur commande désormais d'appartenir. Et c'est pourquoi je parlais tout à l'heure d'espace intérieur. J'ai presque envie de dire que l'espace intérieur ne préexiste pas au langage que Rodrigue est ici en train d'assumer. On dirait qu'il y a comme une inversion du cheminement. L'intuition tragique ne va pas d'un espace intérieur préalable au conflit qu'il servirait à encadrer. On a l'impression que l'espace intérieur vient du conflit jusqu'à l'intuition de l'espace subjectif qui est nécessaire pour contenir le conflit. Ce qui aboutirait à cette idée que ce n'est pas le réel qui est le contexte de l'œuvre d'art, c'est le contraire. C'est une jolie conclusion. Ah oui, ça peut être une sorte de mot à la fin pour exprimer que la gifle, quand même, ça pousse à beaucoup de réflexions. Ça, c'est sûr, et ce n'est que le début de la semaine. Merci infiniment, Patrick Dandré, d'être venu nous parler du Cid de Corneille ce matin. On a parlé de Chimène, qu'on n'entendra pas. On a dit que c'était Maria Cazares qui l'interprétait. Laurence Malonda me fait remarquer que c'est Sylvia Monfort dans la représentation que nous avons choisie. Mais comme on ne l'entend pas, on a décidé je vous propose que nous nous quittions avec un chant, celui de Maria Callas, qui reprend l'air de Chimène. Pleurez mes yeux. Nous sommes dans l'acte 3. Merci, Patrick Dandré. Merci à vous. Thank you. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, du Cid, de Corneille, à la question philo du jour d'Aurélien Bélanger. Vous êtes sur France Culture. Tu les aimes tes cours de philo? C'est vraiment très enrichissant. Ça me demande encore un peu de pratique. Aurélien Bélanger qui est en vadrouille, je crois. Bonjour Aurélien. Bonjour Adèle, oui tout à fait, dans une forêt de châtaigniers près de Carcassonne. Eh bien, j'espère qu'on en saura plus bientôt. Votre question du jour est la suivante, qu'est-ce que l'antifascisme ? Eh bien, à première vue, et c'est ce que j'ai longtemps cru, c'est un jeu de société qui se joue sur Twitter, de l'ordre un peu du jeu de Go. Des militants fascistes, non pas les pires, les explicitement racistes, se retrouveront ainsi encerclés par la tribu des Antifa, experts en double discours et en dog whistle, cette façon de siffler uniquement les Rottweilers sans que les Labradors entendent. Démontrer par exemple que les blagues des Charles, communauté très active sur Twitter, qui prétend utiliser l'humour et le patriotisme pour reconquérir les classes populaires, dissimulent un jeu pour le moins ambigu avec les affects nationalistes. En retour, leurs adversaires ne leur passent pas grand-chose. Comment ne pas parler de celui qui, plus heureux qu'un astronome découvrant une nouvelle planète, prétendit reconnaître le célèbre militant Antifa Usul à ses points de beauté dans une vidéo à caractère pornographique. Fascistes et antifascistes se courent ainsi après sur Twitter, comme autrefois dans les ruelles en pente du quartier latin, ou plus récemment, mais comme cela paraît loin, maintenant que l'essentiel de la lutte a migré sur les réseaux sociaux, dans la rue Comartin, on se souvient alors d'un sentiment de fatalité dans nombre de commentaires de l'époque. C'était Clément Méric qui était mort, mais cela aurait tout aussi bien pu être son agresseur. Car il était alors de bon ton de renvoyer fascistes et antifascistes à leur violence commune, et je n'étais pas loin alors de souscrire à cette idéologie relativiste. Il a fallu, en réalité, un tweet pendant la séquence Black Lives Matter de l'an dernier pour que soudain, je sorte de mon sommeil dogmatique, de ma longue sieste de centre-droit, la même sieste qui saisit la France avec l'élection de Macron et dont on n'aurait pas cru comme ça qu'elle serait autant remplie de cauchemars. Ce tweet que je viens de retrouver dans un sous-dossier prétendait trancher par un échec et mat le problème Antifa. Oui, mais enfin, si c'est une partie de go, il n'y a pas d'échec et mat, Aurélien. Bah voilà, c'est dire justement toute la rafraîchissante débilité du tweet en question, qui par là se trouvait à invalider à jamais une opinion qui n'avait pas été loin d'être la mienne à la pire époque de ma vie politique, l'idée que les antifas valaient bien les fascistes. Je dois dire d'ailleurs que le tweet n'était pas livré seul, il était accompagné des métadonnées d'un commentaire génial que voici. Twitter est donc une grille de recherche par force brute qui explore l'espace de toutes les choses stupides qu'il est possible de dire et sélectionne les plus stupides. Le gagnant était donc un tweet, plutôt sidérant en effet, qui reprochait au mouvement Black Lives Matter sa collusion coupable avec ces antifas, dont on savait historiquement qu'ils avaient été les grands alliés d'Hitler. L'idée étant que la violence des antifas avait essentiellement profité aux fascistes. C'est évidemment dédouaner l'ordre bourgeois de la moindre responsabilité dans la montée du fasciste, en faisant des défenseurs de l'égalité les premiers agresseurs. Sauf qu'à tout prendre, les antifascistes commettraient bien une faute de grammaire politique similaire en faisant des défenseurs officiels de l'inégalité que sont les fascistes, les responsables derniers de celle-ci. Vous voulez dire que l'antifascisme serait par là ramené à une sorte de sophisme qui prendrait l'effet pour la cause ? Eh bien oui, en tout cas, c'est ce que j'ai longtemps pensé, jusqu'au 12 juin dernier, qui m'a vu manifester mes enfants dans les bras et la tête haute, tout près du grand drapeau de la jeune garde antifasciste, soudainement écœurée, que j'ai osé moi-même pu penser qu'on faisait là le jeu du fascisme. Je voyais encore au loin le jeu de billard politique à trois bandes, responsable d'une telle erreur de perspective. Ou plutôt, je venais de comprendre que là où nous étions, très peu de coups restaient encore à jouer, qu'il n'y avait plus vraiment de bandes et que le vide du fascisme nous aspirait peut-être déjà, ne restait déjà plus, et c'est cela l'antifascisme, qu'à rendre le velours du billard politique bourgeois traditionnel plus rêche et plus intraitable qu'un tapis brosse, peu importait la manière, il nous fallait ralentir la boule de la démocratie devenue folle, créer du dissensus, monter des barricades, reprendre le terrain de l'actualité politique. Merci beaucoup Aurélien Bélanger, dites-moi, c'est le vent dans les châtaigniers qu'on entend ou les voitures sur la départementale ? Hélas, je suis trop près de la départementale, j'ai pas eu le temps de trouver un spot plus agréable, j'en suis sûrement excusé. Mais moi j'imaginais que c'était le vent dans les châtaigniers, ça marchait très bien. Merci beaucoup Aurélien, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site de France Culture. Voilà, Et merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui chaque jour m'aide à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Manon de la Salle avec Jules Barbier, Clémentine Marais, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Laurence Malanda qui réalise pour vous cette série d'émissions sur la gifle, la prise de son aujourd'hui Audrey Galil, à la lecture des textes Bernard Gabay. On se retrouve demain pour la suite de notre philosophie de la gifle. Après le Cid de Corneille aujourd'hui et le Soufflet demain, on parlera de la fessée. La fessée est-elle une violence tolérée dans l'éducation et dans les modalités de la punition? Ce sera Daniel Delanoë qui viendra répondre à ce micro demain à 10h. D'ici là, vous pouvez réécouter l'émission, la télécharger, la podcaster, mais surtout, restez à l'écoute sur France Culture.